c'est mieux tourner dans 1 Timothée. Donc, on va faire les deux lettres, comme on avait fait les deux, un, deux Thessaloniciens. Et on va passer probablement quelques mois au moins sur 1 et 2 Timothée. Je vais commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, nous te demandons que tu puisses, à travers ces deux livres, nous révéler encore de toi. Nous, on pense comme des humains. Toi, tu es un être divin. Et tu nous dis dans ta parole que tes pensées ne sont pas comme les nôtres. Surtout que nos pensées viennent souvent de la chair, du péché. On te demande, Seigneur Dieu, que tu puisses nous conduire et qu'on puisse, à la fin de ces deux livres, être des enfants plus reconnaissants encore, plus admiratifs de qui tu es. Que notre amour pour toi soit plus grand qu'il n'a jamais été. Que tu, Seigneur, nous guider afin que tu puisses être glorifié par ton Église. Amen. Amen. Des fois, on essaie de visualiser les gens qui... vous avez déjà fait ça, vous avez entendu la voix de quelqu'un. Quand vous le voyez, ça ne fit pas avec l'image que vous aviez faite dans votre tête de la personne. Ça arrive des fois. Hein. C'est comme... tu restes un peu comme surpris. Des fois, tu dis, quelle image que vous avez de l'apôtre Paul dans votre tête? Comment vous le percevez? Moi, j'ai vu des films de l'apôtre Paul. Des fois, c'était un jeune, d'autres fois, il était tout petit, d'autres fois, il avait différents formats physiques, ce que j'ai vu. Quand vous avez dans votre tête l'apôtre Paul, comment vous le percevez? Des fois, on ne s'est pas arrêté, mais je pense que mentalement, on se fait une image de la personne qu'on va lire. Hier, j'écoutais un film de C.S. Lewis qui racontait la vie quand il a rencontré son épouse. Et C.S. Lewis, des années 1930-1940, il est mort en 1960 à peu près. Et c'était celui qui a fait l'acteur. L'acteur, c'est un comédien qu'on connaît tous probablement, là, c'est lui qui a fait Hannibal, Cannibal, là, tu sais. Un grand intellectuel, il compose la musique, ce que là, il fait à l'école. Anthony Hopkins, c'est lui qui a fait le rôle. C'est lui qui a fait le film, c'est lui qui a fait le rôle de C.S. Lewis. Ah, ok. Et dans ma tête, là, quand j'ai pitonné pour voir le film, quand j'ai vu c'était lui, j'ai dit ah, ouais, ça pourrait te convenir de jouer le rôle que moi j'avais dans ma tête, que le gars était. Tu sais, moi, dans ma tête, j'avais une image de C.S. Lewis, parce que j'ai vu des images de lui en réalité, dans des vieux vidéos, des vieux films. Je me dis, ouais, ça te convient peut-être. Tu sais, j'avais de la misère à oublier que. Bon, si j'avais jamais vu C.S. Lewis en photo ou en film, ben ça m'aurait moins fait de quoi, mais ça m'a interpellé. Mais quand je parle de l'apôtre Paul, j'ai une image dans ma tête du gars, que je veux et que je ne veux pas, et ça influence des fois mon interprétation des textes. Sans qu'on s'en rende compte, ça influence notre interprétation des textes. Il faut bien comprendre que l'apôtre Paul, ici, qu'on va voir ensemble, il est en fin de vie. Il va dire, dans la deuxième épître à Timothée, j'ai terminé la course, je vais mourir bientôt. Donc, la colonne de vie m'est réservée. Donc, il est à la fin de sa vie. Il y a probablement en 65 et 70 ans, l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il y a peut-être 45, 50 ans, 52 ans. Donc là, on est 20 ans plus tard, à peu près 15 à 20 ans plus tard dans sa vie. Et quand il va écrire les deux lettres, il est en prison. Il est en prison. Pensez-vous que ça l'influence? Qu'est-ce que quelqu'un va dire? Comment il va le dire? Le sens des mots que ça va prendre. Et il sait qu'il va mourir. Il va mourir martyr. Il ne va pas mourir de cancer. Il ne va pas mourir d'une belle mort, on pourrait dire, en québécois. Mais il sait qu'il va mourir martyr. Donc, je crois que tout ça va influencer ce qu'il va dire. Et ça va donner une teinte à ce qu'il va dire aussi. Ça va influencer. Donc, il va parler on va voir à Timothée. Et donc, tout ça, ça l'influence, les choses. Et quand on le lit, si on veut comprendre dans le contexte, il faut essayer de se souvenir de ça, penser à ça avant de lire le livre, dire, bien, OK, là, c'est un bonhomme qui s'est rendu à la fin de sa vie, il sait qu'il va mourir martyr, puis probablement qu'il sait comment il va mourir, c'est la tête coupée. Ça, c'est pas dans la Bible. C'est dans l'histoire, mais c'est pas dans la Bible. Et ça devait l'emmener dans un état d'âme un peu spécial de vivre ça. Je sais que l'apôtre Paul, vous l'avez probablement lu, les Épîtres, il ne semblait pas être traumatisé par la mort, il semblait même dire que la mort est un gain, mais il était un être humain aussi. Devant la hache, il a tendance à torser la tête. Même si c'est un croyant. Puis en même temps, ce qu'on va voir dans les deux Épîtres, ce qui semble l'influencer le plus, c'est que les chrétiens l'abandonnent lui, puis abandonnent la foi. Et ça te semble le traumatiser, est-ce que je peux dire ça comme ça? Ça te semble le... La tristesse. Oui, la tristesse, L'affligé. Je dirais même un petit peu la déprime de vivre, de voir que les chrétiens abandonnent la foi. Et lui-même est obligé, il va nous dire à un moment donné, j'ai été obligé d'en livrer deux à Satan. Parce qu'il blasphémait le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas évident. C'est toutes des choses qui influencent notre façon de voir la vie, notre façon de voir la vie chrétienne même. Et des fois, on a l'impression que ces hommes-là, c'était des espèces de des SS spirituels, des espèces de gars qui n'avaient pas, n'étaient pas influencés, là, les chrétiens. Les événements, ils ne les touchaient pas. Mais non, c'est des êtres humains comme les autres. Puis on va voir que pendant qu'il va écrire, même Timothée à qui il va écrire a des difficultés aussi. Il va lui demander, il ne faut pas que tu aies honte de moi, Timothée. Tu as déjà dit ça à vos enfants, il ne faut pas que tu aies honte de moi. C'est pas facile à dire, ça. Donc, tout ça va influencer les écrits qu'il va faire. Ça c'est notre auteur. C'est le gars qui va parler, je dirais, de la part de Dieu. Dieu va l'utiliser, on sait qu'il est inspiré de Dieu. Donc Dieu va utiliser cet homme-là pour nous dire des choses à nous. Donc c'est intéressant de voir ça. Et on va lire ensemble les deux premiers versets. Ça va nous aider à se mettre dans le contexte. Là, je vous ai juste présenté Paul parce que dans le texte, il ne donne pas son âge. Là, mais il va parler que... Moi, je résume un peu les deux lettres. Puis j'ai mis ça qu'il est à la fin de sa vie, il va mourir, il est en prison. Les gens l'ont abandonné. Il va dire à deux reprises, je pense, « Tous m'ont abandonné. Je suis resté seul. » Donc ça, ça doit être dur pour l'apôtre Paul. Puis en même temps, quand lui, il parle que les Tu sais, un manier va dire, il est écrit que dans la fin des temps, les gens vont abandonner la foi. C'est pas juste des paroles dans les airs. Lui, il vit, là. Il vit, il y a des gens qui sont avec lui qui l'abandonnent, la foi. Donc, c'est pas des paroles dans les airs, c'est pas juste... C'est pas des nouvelles qu'il entend à la télévision, là. C'est vraiment son expérience personnelle à lui qui vit et qui le dit. Et je trouvais ça comme... je dirais que c'est les deux lettres les plus intimes de Paul, qui parle à une personne, qui est Timothée. Des fois, il parle des églises, donc il est moins intime, c'est normal. Donc, il va vraiment, je pourrais dire, ouvrir son cœur à Timothée, lui parler de la foi et de ce qu'il aimerait qui arrive et qui continue après son départ. Donc, tout ça va rentrer en ligne de compte. Donc, on va lire ensemble versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, l'apôtre Paul, cet homme-là, qui est à la fin de sa vie, se présente comme un apôtre, quelqu'un qui a été envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous connaissez assez son histoire. Jésus-Christ va y apparaître sur le chemin de Damas. Et c'est... Il a vécu quelque chose de spécial. On sait que c'est pas une conversion avance en avant, il lève la main. C'est une conversion spéciale. Je ne dis pas qu'il est plus converti que les autres. Il a eu une expérience spéciale. Donc, c'est un qui, Jésus va y apparaître à quelques reprises, va le former, je peux dire, il va lui annoncer l'évangile lui-même, ce qu'il va dire, l'évangile que je vous annonce, je l'ai reçu de Jésus lui-même et non pas des hommes. Donc, Jésus va décider, entre sa conversion et l'envoi, ça va marquer il y a quelques années entre les deux, je dirais même trois, peut-être cinq ans. Entre sa conversion sur le chemin de Damas, qui va aller à Damas, qui va aller à Jérusalem, et là, qui va s'en aller, puis là, qui va avoir des visions. Et quelques années après, il était à Jérusalem, là, Jésus va lui apparaître encore une fois, puis lui va dire, « Je t'ai choisi pour que tu ailles annoncer l'Évangile aux païens. Là, je t'envoie vers les païens. Les autres vont s'occuper des Juifs, toi, tu vas aller vers les païens. » Donc, c'est à ce moment-là qu'il comprend, puis il dit, apôtre de Jésus-Christ, envoyé par Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur. Il y en a-t-il qui ont d'autres traductions par ordre de Dieu et par ordre de Jésus. Donc, je suis obligé de deux. Le mot ordre, il y en a-t-il qui ont d'autres traductions? Le commandement de Dieu. Le mot dans l'original, c'est injonction, mandat. C'est quelque chose de... C'est pas si ça te tente, mon petit Paul. Hein, si t'aimerais, là, pense-y, réfléchis à ça. Puis si ça te tente, viens me voir, puis je t'enverrai comme missionnaire. Il y a comme... Quand Dieu parle, vu qu'il sait tout, je ne sais pas si ça l'influence, sa façon de parler. Je ne sais pas quel timbre de voix que Jésus avait quand il a parlé à Paul. Mais Paul l'a vu comme étant un commandement, comme quelque chose que Dieu lui demandait de faire. Et bon, Paul, on sait qu'il a répondu oui au commandement, à la demande du Seigneur Jésus-Christ, à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Oui? Mais là, tu dis-tu qu'il y a cinq... je reviens un petit peu plus loin. Là. Tu dis qu'il y a 50 le moment où il rencontre sur l'ange, puis la deuxième fois, puis lorsqu'il va décider... Au moins 5 ans, peut-être 10 ans même, je ne sais pas. 5 ans, 4, 5 ans. Avant qu'il se bat au ministère? Non, il va déjà travailler un peu, mais comme envoyé comme apôtre chez les païens. ça va se passer. Parce qu'on sait qu'il s'est passé peut-être un an ou deux. Ça, il était on pense qu'il était 3 ans en Arabie, parce qu'il lui-même dit ça dans Galate, j'étais 3 ans en Arabie. C'est là qu'on pense qu'elle a passé du temps avec le Seigneur dans certaines visions, dans certains apprentissages. Puis après ça, il revient à Jérusalem, et là, Jésus va y apparaître. On a ça dans les Actes des Apôtres, il va y apparaître. Il va dire, j'ai été choisi pour t'envoyer parmi les païens, tu vois, apôtre des païens. Okay, okay. Parce que Paul avait à cœur, comme probablement, ça fait pas d'entre nous, il aurait voulu rester avec les Juifs. Hein. Et lui-même dit dans Romains 10, j'avais à cœur d'aller les parler à mes frères dans la chair. Mais Dieu m'a choisi pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Hein. C'est un peu normal, on a à cœur nos familles en premier, nos gens qu'on connaît. Puis, on, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance à choisir le plus facile. Hein? On a tendance à faire ça. Donc, Paul a arrêté comme nous autres, je connais la langue ici, je connais la culture, c'est mon monde, je suis un ancien juif, je suis un pharisien, je les connais, ce monde-là, je sais comment ils pensent. Mais Dieu dit non, je t'envoie en dehors, dans des cultures que tu ne connais pas, dans des gens que tu ne sais pas, tu vas passer ta vie à voyager. Donc, on ne se rend pas compte que des fois que ces hommes-là, l'apôtre Paul ou les autres, Pierre ou n'importe qui, ont eu les mêmes combats que nous. Faut pas penser qu'eux autres se font dire ça, puis « Yes, sir, pas de problème, je vois. » Non, ils ont les mêmes pensées que nous, parce que, je sais pas si vous savez, mais Paul était pêcheur. Avant de se convertir, il était pêcheur. Puis il restait pêcheur comme eux autres. Donc, le pêcheur ne se soumet jamais volontairement à Dieu. Il y a toujours le combat entre la chair et l'esprit, comme nous aussi. Mais il a décidé que parce qu'on connaît l'histoire, il a décidé d'accepter le mandat, puis il est allé comme apôtre le restant de sa vie. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il dit, il a comme inversé quelque chose ici. Dieu, notre sauveur. Absolument, c'est Jésus qui est le sauveur. Mais dans notre texte, c'est par ordre de Dieu, notre sauveur. Donc, pourquoi vous pensez qu'il dit ça? Puis, parce que l'ordre, là, vous avez compris que par ordre de Dieu et de Jésus-Christ, donc c'est les deux. Les deux ont demandé, les deux ont ordonné à Paul de partir et d'aller en mission. Donc, ça, on le sait assez. Mais j'essaie de voir dans les deux épîtres pourquoi l'auteur parle de Dieu sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Souvent, il va dire, à la fin du verset 2, il va dire Jésus-Christ notre Seigneur. Quand il fait le souhait, là, il dit Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est normal. Mais il dit qu'il a été ordonné comme apôtre, il a été envoyé comme apôtre par Dieu notre Sauveur et par Jésus notre espérance. Donc, c'est pas pour rien qu'il emploie ces termes-là. On va voir dans les deux épîtres que ça va revenir, cette idée-là, Dieu le Sauveur. Et Jésus l'espérance. Parce que qu'est-ce qui va emmener l'abandon? Qu'est-ce qui va emmener Timothée au doute, au désir de laisser tomber? C'est la perte de l'espérance. L'espérance, c'est fort. Hein? Il y avait un vieux dicton qu'on disait quand on était jeune. On dit encore peut-être aujourd'hui. Tant que de la vie a d'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Ou tant qu'il y a d'espoir, il y a de la vie. Donc, je crois que l'espoir, c'est ceux qui sont déprimés, ceux qui, souvent, ils perdent de l'espoir. Ils ne voient pas. Ils croient que ça va, rien ne va changer, rien ne va s'améliorer. Donc, mais il dit, Jésus-Christ, ici, il le présente comme, non pas comme le sauveur, mais comme l'espérance. Celui qui donne le goût de continuer. Je suis impressionné, oui, puis touché plus en avançant dans ma foi, à quel point que la vie chrétienne tourne autour toujours d'une personne. C'est pas des règles, c'est pas des lois, c'est pas des principes, c'est pas ne fais pas, ne mange pas, ne touche pas, va pas là, va pas ci, va pas ci. C'est une personne, la foi. C'est un lien qu'on a avec une personne qu'on appelle Dieu ou qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va ramener, va parler à Timothée, souviens-toi, regarde, pense-y, réfléchis, regarde en avant. Il va essayer de ranimer. Il va dire à quelque part, ranime. Ça veut dire, essayer de ranimer un feu, ça veut dire quoi? Le feu est en train de s'éteindre. Là, on se met à quatre pattes et on souffle. On essaie de faire parce qu'on veut ranimer la flamme qui est en train de s'éteindre. Et Dieu va dire ça à Timothée, ranime la foi. Donc, dans ce texte-là, Paul va parler de ce Dieu sauveur, ce Dieu qui a sauvé les gens, et ce Jésus-Christ qui donne de l'espérance. C'est pas si j'avais déjà été des fois déprimé, découragé, et que quelqu'un vous donne un air d'aller, vous encourage, vous pousse un peu plus loin, vous dit de continuer. Et ici, c'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est Jésus-Christ qui va. Paul sait que lui va mourir, donc il sera plus là. Ça, on va en parler avec Timothée. Timothée, je pense qu'il se voyait souvent comme un bon deuxième, on dit. Il suivait quelqu'un. Il était allé travailler avec Paul. Puis là, Paul lui a dit, je m'en vais, je vais mourir. Il faut que tu prennes la relève de toi, il faut que tu continues. Et je crois que dans son tempérament, dans sa personnalité, c'était pas si facile. Moi, je parlais avec sa mère, avec quelqu'un, puis Paul était un bulldozer, puis Timothée, c'était pas un bulldozer. Il faut qu'il prenne la relève, mais c'est pas un bulldozer comme Paul. Donc, on va aussi voir ça, de voir Dieu dans notre vie comme notre sauveur, de rafraîchir notre image du salut, de réanimer ça, d'être émerveillé à nouveau, je pourrais dire ça comme ça, d'être émerveillé à nouveau de notre salut, de notre foi en Jésus-Christ, de voir Jésus-Christ comme l'espérance, autant pour notre vie personnelle que pour l'Église, que pour le monde dans lequel on est. Le seul espoir que nous avons, c'est une personne. Ce n'est pas un changement politique, ce n'est pas un changement économique, ce n'est pas un statut différent. Le seul espoir que les chrétiens ont, c'est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste ça. Donc ça, c'est notre monsieur. C'est celui qui va écrire. Hein. Et il écrit à une personne au verset 2, à Timothée. Moi, j'ai lu des livres sur Timothée, j'ai vu des biographies de Timothée quand je faisais mes cours. Et on nous présente Timothée, puis on a une image de Timothée. Plutôt petit, frêle, gêné un peu. La Bible va nous en parler, qui est timide. Donc, il y a une espèce de timidité naturelle dans sa personnalité. On pourrait dire que ce n'est pas un fonceur. Et donc, c'est un homme qui un peu comme l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va ramasser quelqu'un, encore une fois, des fois on a l'impression qu'il ramasse un homme qui va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes chez les Grecs, puis il va avoir des problèmes chez les Juifs. Parce que c'est un mulâtre de race, on pourrait dire. Timothée, il avait un père grec puis une mère juive. Donc, il était déjà quelqu'un qui, Paul dit, ben, OK, on va commencer par la circoncision. C'est ça, la première chose à faire, c'est la circoncision, parce que moi, je travaille avec des juifs, dans les synagogues. Puis là, mais c'est pas tout le monde qui dit oui à ça, rendu à 30 ans. Bon, je vais te faire circoncision, parce que si tu veux venir évangéliser avec moi, il faut te faire circoncision. Ben, attends un peu, moi, rester ici. On continue. Moi, rester ici. C'est toi, Paul, qui m'a demandé ça, ou c'est le Seigneur qui m'a demandé ça, là? C'est-tu juste... Mais on s'imagine pas que ces hommes-là, parce qu'on n'est pas... Je sais pas si on est... Je sais pas comment est-ce qu'on était programmé. Pas facile. C'est comme si on pense que ces gens-là n'avaient pas de lutte, puis qu'ils n'ont pas eu besoin de lutter contre leur propre chair. Parce que je crois que c'est une fausse conception qu'on a, une fausse image qu'on a, Saint-Paul, puis... Tu sais, une image d'un bonhomme, j'ai vu quand j'étais catholique, là, j'ai toujours été une blette en alette, une curieux. Quand je rentrais dans l'église Saint-Christophe, presque, il y avait des colonnes dans l'église, c'est des colonnes carrées, t'as pas honte à carrées. Moi, encore des colonnes. Puis à chaque colonne, il y avait une image, une photo d'un apôtre. Il y avait une photo d'une tête qui représentait un des apôtres. Et on s'est fait des images, hein, quand on s'en rend compte, on a fait des images. Et Timothée, c'était un homme frêle, un peu timide. Puis Paul était plus bulldozer, un petit peu, plus fort. Mais on le voit avec sa conversion, par les gestes. Il a pris des décisions, lui, il a pris les choses en main. On va persécuter l'Église, puis on va arrêter l'Église de fonctionner, puis ça ne marchera pas cette affaire-là. Donc, on peut percevoir que ça donne dans cette personnalité qui peut être. Mais Timothée, lui, il est déjà par naissance, par culture, un rejet. Okay? Un gars qui n'a pas vraiment sa place dans la synagogue, il n'a pas vraiment sa place non plus avec les Grecs. Donc, ça va l'influencer dans sa vie. Ça va l'amener à prendre des décisions que ce n'est pas facile pour lui aussi. Donc, quand il va le laisser, qu'on va voir ensemble à l'église d'Éphèse, c'est pas quelque chose qui se sent facile à faire pour lui. Je te laisse dans une église, puis c'est une église qui est en crise, qui a des difficultés, qui va faire tirer des problèmes, qui va faire mettre les deux pieds à terre, puis prendre des positions ce matin. c'est pas ma force. C'est pas ma force, mais pourtant, Paul va l'encourager à le faire quand même, prendre position quand même. Donc, cet homme-là, il l'appelle dans le texte « mon enfant légitime en la foi ». Un enfant légitime, ça veut dire quoi dans notre texte? Oubliez le mot « foi » pour le moment. Un enfant légitime, ça voudrait dire quoi? C'est pas un enfant légitime, c'est pas un enfant, c'est pas une adoption, c'est pas un kidnappeur, c'est ton propre enfant, c'est ça qu'on veut dire. Mais il n'y a rien qui nous dit dans la Bible que Timothée est un enfant spirituel de Paul. Il n'y a rien. On croit même que Timothée était probablement croyant quand Paul l'a rencontré. OK, donc, il va le choisir, et quand il va rencontrer Timothée a déjà un bon témoignage dans deux églises, donc on pense que Timothée était croyant quand Paul l'a rencontré et qu'il décide de l'emmener avec lui. Je suis un missionnaire. Mais quand il dit légitime en la foi, ici, donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il va dire ça aussi à Tite. Tite, il va le nommer aussi son enfant légitime en la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Il aurait pu juste dire « mon enfant dans la foi », on aurait pu comprendre. Mais pourquoi il les appelle? Il ne va pas dire ça à tout le monde. Il ne va pas nommer tous les gars à qui il travaille. Il n'a jamais dit à Luc que Luc était son enfant légitime. Il ne dit pas ça à tout le monde. Pourquoi il va le dire à Timothée qui est son enfant? Pourquoi il met... Parce que c'est pas mal intime. Enfant, parent, c'est pas mal le plus intime qu'on peut être en général dans la vie, là. En tout cas, quand je dis que c'est mon enfant, ça ne peut pas être plus proche que ça, là. Naturellement parlant. Oui? Je pense que c'est parce qu'il l'a. C'est lui qui l'a amené vraiment à Christ, qui l'a évangélisé par rapport à Christ. Non, parce qu'il était probablement croyant avant que Paul le rencontre. Parce qu'il dit sa mère et sa grand-mère étaient chrétiennes avant lui. Donc, je crois que Paul l'a rencontré, qui est probablement croyant. Okay? Il y a juste un théologien que j'ai vu qui pense que Paul l'aurait peut-être conduit au Seigneur. Tous les autres sont d'accord avec le fait que quand tu lis les actes des apôtres, ce qu'il va te rencontrer, tu as vraiment l'impression que Timothée était déjà croyant dans une église et que Paul allait l'amener. Parce que Paul n'aurait pas choisi. Il n'aurait pas pu voir qu'il était un chrétien engagé dans une église, parce qu'il y a déjà un bon témoignage dans deux églises. Donc, automatiquement, il faut qu'il soit croyant. Bien qu'il l'a fortifié. Oui. Mais. Il l'a pris sur son aile. Oui. Je crois qu'il a été plus intime avec lui. Il l'a suivi tout de suite, puis il l'a emmené avec lui, puis il l'a traîné avec lui pendant des années. Donc, il a probablement investi plus de temps avec Timothée qu'avec les autres. On voit, dans, quand on lit les Actes des Apôtres, que Luc était là, puis n'était pas là, puis était là, puis n'était pas là. Donc, il n'était pas tout le temps avec Paul. Je crois que Timothée, étant jeune, quand il l'a pris sous son aile, il était comme plus un père avec lui. Puis on pense, je pense, que Timothée va rester célibataire aussi. Donc, il n'y avait pas d'obligation familiale. Donc, il va suivre Paul partout où il va. Il n'y a pas d'attache ailleurs que cela. Mais moi, je me suis arrêté surtout sur le mot « légitime en la foi ». C'est plus, là, il veut nous faire sortir d'autre chose. Il ne disait pas dire que Timothée possède la même foi que lui. Oui. L'avoir rencontré. Oui, ailleurs, on le voit qu'il va dire « Timothée a la même croyance que moi, il va vous dire la même chose que moi, donc il a la même foi que lui. » Mais ça va devenir de plus important dans l'Épître, parce qu'il y a des gens qui ont suivi Paul, qui ont abandonné la foi. Et Timothée, lui, va avoir resté attaché à la foi. Puis il dit, il n'est pas juste légitime qui m'a suivi, il est légitime qui a gardé la même foi que moi. Puis il est encore là. Parce qu'il y a des, on pourrait dire, de ses enfants à Paul, il va nous en parler, il va en nommer deux, il va nommer Démas. Donc il y a des gens qui ont quitté la foi que Paul leur avait donnée puis enseignée, sont allés vers d'autres choses. Ils ont bifurqué à quelque part. Donc, ils sont devenus comme des enfants illégitimes en la foi. Ils n'ont pas gardé la foi. Donc, Paul le présente, puis je crois qu'il fait un compliment là, à Timothée. Tu es un enfant légitime en la foi. Donc, pour moi, je te vois comme quelqu'un qui a la même foi que moi, qui a le même Dieu que moi, la même espérance que moi, le même Jésus qui est notre espérance. Moi, je pensais à l'idée de tel père, tel fils. C'est comme si, quand il dit fils, c'est comme ce que vous voyez de lui, c'est comme ce que vous verriez de moi dans l'enseignement de manière de parler. Oui, ça, il aurait pu faire ça en disant seulement mon enfant en la foi, puis ça aurait été ça. Mais je crois qu'il ajoute le mot légitime parce qu'il va parler tout au long des deux épîtres de faux, de ceux qui sont faux. Qui ne sont pas légitimes. Il dit qu'il y a des faux docteurs, des faux ci, des faux ça, des faux enseignements. Puis Paul, puis pas Paul, mais Timothée étant resté à l'église d'Éphèse, la même Éphèse qu'on a vu dans les Actes des Apôtres que Paul a fondé l'église là à Éphèse, la même Éphèse qu'on a vu dans l'Apocalypse plus tard, okay? Qui va avoir que Jésus dit abandonné ton premier amour. La même Éphèse que la lettre de Paul à Éphèse. Il le laisse là à Éphèse pour redresser l'Église. Donc, Paul a commencé l'Église. L'homme Paul revient à Éphèse, puis voit que Paul constate qu'il y a des problèmes dans l'Église de doctrine, mais lui, il doit partir. Donc, il dit, je t'ai laissé là, Timothée, pour réprimander des gens qui enseignent des fausses doctrines. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez qu'on vous confie tel job, mais ce n'est pas évident. Parce qu'il avait une grande confiance en lui, en tout cas. Oui. Mais ça, sous-entendu qu'il a raté un peu, vu qu'Apocalypse nous montre que ça ne va pas bien? Oh, je crois que il n'y a pas de raté, ça semble être le cycle normal de l'Église. Je crois que Paul a commencé, on a vu, je vous ai dit depuis 10 ans passés, que dans tous les épîtres, c'est des fausses docteurs, des fausses doctrines. L'Église est toujours en train de s'éloigner. Je me demande pas si l'Église s'éloigne, mais elle s'éloigne toujours. Donc, c'est pas en voiture, c'est quand ça va se faire, parce que ça va se faire. L'Église s'éloigne toujours de la vérité. Donc, on l'a vu dans l'épître aux Thessaloniciens, on vient de terminer deux épîtres, parce qu'il y avait des gens, puis des chrétiens qui ont des problèmes, des fausses lettres qui étaient là, puis des gens qui avaient des soi-disant inspiration de Dieu, des paroles soi-disant, puis qui trompaient l'Église. Et on a 60 ans, l'Apocalypse, on a vu l'Apocalypse, comment l'Église était dans la difficulté. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'Église elle lutte pas autant avec le péché qu'avec la doctrine. Mais la doctrine influence le comportement. Ce que je crois influence mon comportement, que ce soit vrai ou faux. Si ce que je crois est faux, ça va influencer mon comportement. On le sait, non? Vos comportements dans la vie de tous les jours sont influencés par des choses. Soit par des croyances que vous avez, par des gens, par un mari, une épouse, des enfants. Votre environnement influence votre comportement. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on vit. Et ce qu'on sait va influencer notre comportement. Ce qu'on sait est faux, ça va influencer dans une mauvaise direction. Ce qu'on sait est vrai, ça va influencer dans la bonne direction. C'est comme ça. Quand l'Église a commencé à croire qu'on n'était pas sauvé par la foi seule, ben, elle a inventé le purgatoire. Voilà. Quand on avait une mauvaise compréhension du baptême, mais on a inventé les limbes, finalement. Là, puis on a mis ça en place. Là. Et ça, c'est venu d'une mauvaise compréhension. C'est pas un prêtre qui s'est levé le matin et dit « Ah, j'ai eu un rêve, là, puis on va inventer les limbes. » Non, c'est une mauvaise compréhension de la doctrine qui emmène dans cette direction-là. Et l'apôtre Paul, il va en parler ici, de ces faux docteurs qu'il y a dans l'Église qui ont emmené un comportement non acceptable dans l'Église. Donc, il va nous en parler à travers les deux épîtres. Donc, Timothée, c'est un enfant légitime. Et comme je connais, en tout cas, je ne rentrerai pas dans ma vie personnelle, là, je vais rester seul comme ça. Timothée étant timide et pas fanfaron, je ne serais pas surpris qu'il montrait la lettre à tout le monde et disait « Paul a dit ça, là. » C'est pas moi qui dis ça, c'est Paul qui dit ça, là. C'est marqué dans la lettre qu'il m'a écrit, là. Et le fait que Paul lui dit au début de la lettre « T'es mon enfant légitime à la foi », ça l'a mis une grosse étape sur la façon que Paul percevait Timothée. Vous pourriez faire confiance à Timothée. Parce qu'il va dire, un peu plus loin, je sais, Timothée, que les gens méprisent ta jeunesse. Je sais que c'est pas facile pour toi. Mais il dit, il faut que tu continues pareil. Donc, je crois que le fait de l'avoir dit dans la lettre, ça a dû aider Timothée quand il parlait avec les gens de l'Église, qui étaient plus vieux que lui dans la foi, ou plus vieux que lui en âge, humainement parlant. Tu sais, c'est comme un diplôme d'approbation. Oui, c'est ça. Oui, ça donnait un bon accréditation. Oui, c'est ça. Donc, il termine en disant que la grâce, la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, je crois que les trois termes, Paul connaissant la situation, sachant qui est Timothée, sachant qu'est-ce qu'il vit à Éphèse, ben, il fait un souhait qui va accompagner ce qu'il est en train de vivre. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données, Timothée. Mais quand tu es troublé, tu as besoin de ça. Quand tu as des questions sur la foi, quand tu t'interpelles sur ta foi, tu t'interpelles si tu es prêt à... Tu sais, Quand tu suis un homme depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais pas comment c'était, mettons 20 ans, 25 ans, et que cet homme-là qui est un mentor, qui est un modèle que suivait, quelqu'un qui t'accompagnait, mais il a été arrêté par les autorités. Puis là, il va se faire tuer par les autorités. Comment tu t'appelles ça, Yvon? C'est écureuil tourne, cette-là. Tu dis, c'est quoi avec ça? Là? Tu sais, je sors-tu encore sur la place publique et tu dis, je suis un chrétien parce que je peux me ramasser à la même prison que lui avec la même tête coupée que lui. Là. On s'en rend pas compte, mais ça l'influence, les décisions. Là, ça, tu t'assieds et tu dis, mais je suis prêt à accepter les conséquences de tout ça, moi-là. Là, tu sais, parce que mon chef, là, il est en prison, il va mourir pour la foi. Puis la foi que moi, je proclame. Et donc, c'est une mise en question. Donc, je crois que c'est normal qu'il fasse ça. Et je vais reculer un couple d'un ou deux pas, j'ai le droit, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans les deux lettres, l'apôtre Paul va dire à Timothée d'enseigner. Fait qu'on se demande si c'est un enseignant. L'autre fois, il va lui dire « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » C'est quoi un enseignant? C'est quoi un évangéliste? Si on dit à quelqu'un, si Paul dit à Timothée « Fais l'œuvre d'un évangéliste », vous pensez qu'il lui demande quoi? C'est quoi l'œuvre d'un évangéliste? Parce que c'est son... Je me suis posé la question, il dit « Ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. » Il parle-tu du don d'enseigner ou s'il parle du don d'évangéliste? C'était quoi un évangéliste pour Paul? C'est quoi un évangéliste pour Timothée? Parce qu'il dit bien, fais l'œuvre d'un évangéliste, mon Timothée. Donc, mais Timothée, il est laissé à Éphèse, à l'Église. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Vous voyez ça comment, un évangéliste, dans votre tête, quand je dis... Moi, l'enseignant va être plutôt dans une assemblée, tandis que l'évangéliste, il va aller plutôt dans le monde, vers les gens. OK. C'est bon, en partie, enseignant, c'est dans l'Église, c'est sûr. Ouais. L'évangéliste, non. Non. Ça, c'est la mentalité qu'on a au Québec depuis Billy Graham. L'évangéliste, c'était le Billy Graham. Il faisait mes dents. C'est un petit bout de l'eau. Mais un évangéliste, c'était pas ça. Non. Un évangéliste, c'est celui qui suivait l'apôtre. Puis il travaillait dans l'Église. Okay. C'est ça qu'il va dire, fais l'œuvre d'un évangéliste, reprends, censure, enseigne. Okay. Ne te laisse pas détourner. Prend position dans l'Église. L'évangéliste, c'était celui qui allait structurer l'Église après que l'apôtre. Donc l'apôtre venait et enseignait. C'est l'apôtre qui faisait l'évangélisation, c'était pas l'évangéliste. L'apôtre Paul, mettons, il partait, se convertissait 100 personnes, 150 personnes, 100 personnes, 30 personnes. L'évangéliste restait là, puis il mettait en place la structure. C'est souvent Timothée, puis Tite, qui vont mettre en place les anciens, qui vont structurer l'Église. Puis c'est eux autres que Paul va envoyer pour redresser les fausses doctrines. Donc, l'évangéliste, c'est celui qui va être dans l'Église, qui va mettre qui va aider l'Église à se faire ce qu'on nous autres, on dirait dans notre langage, une confession de foi, de bien structurer la foi qu'ils ont, de bien comprendre ça. C'est ça qu'on va voir plus loin, parce qu'un qui va dire « fais l'œuvre d'un évangéliste », c'est dans l'Église qu'il faut qu'il fasse ça. Okay. Donc, c'est pas ailleurs. Okay? Donc, c'est l'évangéliste, c'est plutôt celui qui va revenir à l'Église, puis qui va essayer de garder, puis de stabiliser, de réaligner l'Église dans la doctrine apostolique, je voudrais dire ça comme ça. C'est pas comme les anciens évêques qui avaient été placés quand ils étaient là. Les évangélistes mettent en place des anciens. C'est pour ça qu'il va dire, là, quand tu mets un ancien, voici les règles que tu dois suivre pour le mettre un ancien ou un diacre. L'évangéliste, il mettait souvent les anciens en place après que l'apôtre soit parti ailleurs, annoncer l'évangile ailleurs. Puis il va rester. C'est pour ça que l'apôtre Paul va prendre un terme anglicite, va dispatcher Tite là, Timothée là, Tichique sur un autre bord. Puis ils envoyaient, puis ils allaient voir, puis ils allaient replacer l'Église le mieux qu'il pouvait dans la doctrine. Et puis, s'il n'y avait pas d'anciens, il mettait des anciens en place, il structurait l'Église. Puis là, il s'en allait. Il retournait vers l'apôtre. Et il avait... Donc, il accompagnait. Il y avait un autre évangéliste dans la Bible, c'est Philippe. Donc, il y avait juste deux évangélistes dans la Bible. Donc, on n'a pas vraiment... Mais pourtant, l'apôtre Paul dit dans Éphèse, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs. Donc, les évangélistes font partie de ces quatre hommes-là, quatre principes, quatre catégories de personnages qui ont servi à mettre en place les églises au début. Y a-t-il encore des évangélistes aujourd'hui? Ça dépend du livre que vous choisissez. Là, ils vont dire oui, là, ils vont dire non. Et comme là, on sait pour Paul, mais Jean, lui, en avait dit. Il ne serait pas venu. Les évangélistes de Jean? Non. C'est juste Paul qui a voit ça. Mais Philippe, il ne connaissait pas Paul. Non, il ne connaissait pas du tout, il n'a pas rapport avec ça. Non, mais Philippe est allé, s'est établi dans une église, puis il a pu rester là. Donc, disons que c'est dans ce sens-là. Donc, il faut tenir en compte qu'il y a ça, et donc, je crois personnellement, je pense, que le don qu'il avait reçu par l'imposition des mains, par prophétie même, ils disent, c'est vraiment le travail d'évangéliste qu'il avait reçu comme le don d'évangéliste. Cette imposition, comme ils mettent en part des anciens, ils mettent en part des évangélistes, parce que tu es reconnu par les gens, dans l'Église, les anciens, qui l'ont nommé évangéliste, donc qui ont donné une espèce d'autorité à Timothée pour œuvrer dans les Églises. Donc, si tu as été mandaté par le collège des anciens, on va dire ça comme ça, le collège des anciens, tu as reconnu comme un évangéliste, wow, ça donnait une certaine crédibilité. C'est un peu la même idée que dans nos Églises, dans nos associations, les jeunes pasteurs qui venaient. On leur donnait la main d'association qu'on disait, on leur donnait l'imposition des mains. On étudiait, passait en examen devant les autres pasteurs. Quand vous aviez une mise à part, vous avez déjà été à des mises à part de pasteurs. Donc, il est mis en examen par ses pairs. Quelqu'un qui vient chercher quelque chose. Donc, on examine leur doctrine, leur enseignement. Et est-ce qu'ils enseignent vraiment la doctrine baptiste, c'est dans l'association baptiste? Si oui, on mettait à part que tu es reconnu comme un pasteur baptiste. Donc, ça veut dire que ça reflétait les enseignements baptistes. Donc, oui, c'est un croyant ou un intrus. Donc, et... François, quand il imposait les mains, c'est pas pour lui. Qui reçoivent le don, c'est qu'ils l'avaient déjà. Ils avaient vu le don dans l'Église quand ils travaillaient dans l'Église. Après ça, ils ont imposé les mains parce qu'il y avait ce don-là. Tu veux dire pour nous autres, là? Oui. C'est lui, c'est pour nous autres, oui, c'est dire. Mais dans nos Églises, à nous autres, c'était comme ça. Dans l'époque, dans ce qu'on voit dans Timothée, ça semble être plus que ça à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y avait eu un rôle, apostolique à ce moment-là, différent un petit peu. Mais on va voir que, dit que le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc, c'est pas comme. C'est que le don, que tu, comme on a reconnu le don, mais c'est comme reçu le don. Donc, on va essayer de voir ça. On n'est pas rendu là, puis j'ai encore du temps pour faire mon idée, là, parce que je ne suis pas sûr à 100%. Est-ce que vraiment il y avait une. Si c'est ça, c'était quelque chose d'apostolique. Quelque chose qui s'est fait au niveau des apôtres, qui était spécial à ce moment-là. Okay. Un peu comme on voit... Comme quand ils ont parti les églises, mais là, c'était avec les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Oui, donc il y a eu des choses spéciales dans les actes des apôtres. Est-ce que nous autres, on a tendance à mettre dans nos églises, on mettait à part les pasteurs, mais on ne mettait pas à part les évangélistes. Mais dans ce temps-là, c'était-tu ça qui mettait à part aussi les évangélistes? On leur donnait une certaine forme d'autorité dans l'église, dans l'église, je dirais, large, parce qu'ils ne restaient pas dans une église. On est dans différentes églises, ça. Donc, c'était je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était, mais c'est quelque chose qui est un petit peu spécial, parce que c'est la seule place qu'on a cet enseignement-là, qu'on voit, là, qui se passe. Donc, on dit, bon, il faut se faire une idée à partir de là. Mais je crois la seule chose que Paul le mentionne, c'est encore une fois pour donner à Timothée une certaine sorte de crédibilité dans l'Église. Si Timothée a été approuvé par le collège des anciens, ben, il devrait avoir plus d'autorité que les autres qui se promènent et qui vous disent n'importe quoi. Là. Okay? Les autres anciens, les autres faux docteurs qui vont appeler dans l'Église, lui, qui vont dire ceux qui enseignent des fausses doctrines. Donc, soyez intelligents. Qui vous allez suivre? Timothée qui a été approuvé par les anciens à Jérusalem, ou alors si vous allez ou à Antioche, ou si vous allez suivre un étranger qui vous dit n'importe quoi. Il est sage dans votre façon de faire. Donc, si vous voulez, on va regarder. Est-ce que vous avez des questions jusque-là par rapport aux deux auteurs? Et je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder. Non, je n'ai pas fini. Je change que j'ai mes notes aujourd'hui, parce que d'habitude, je suis mes notes par cœur. Mais la date que c'était écrit, c'est à peu près entre 65 et 70. À peu près, entre 65 et 70. Donc, Paul est à la fin de sa vie. Donc, on pense que c'est à peu près là. Et le thème du livre, est-ce que M. Carson donne un thème du livre? Qu'est-ce qu'il donne comme thème? C'est plus une mise en garde contre les faux et de l'encouragement par rapport à être courageux. Et il donne aussi les bases pour, dans l'Église, conduite avec les veuves. Comment se conduire dans l'Église? Je vais rétrécir cela un petit peu. On va regarder l'apôtre Paul. On n'est pas sûr qu'il ne va jamais revoir Timothée quand il écrit les deux lettres. Est-ce qu'il a revu Timothée après ou s'il va mourir avant? On n'est pas sûr. Mais il lui demande d'emmener des livres et des vêtements, mais on ne sait pas s'il vraiment est allé. Mais Paul va dire à la fin de sa vie, à Timothée, dans la deuxième lettre, il va dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, et la couronne de vie m'est réservée. » Puis il va dire la même chose à Timothée. Tout à l'heure, je vous dis, quand Paul parlait, il ne parlait pas à partir d'un livre quelque part, il parlait de son expérience personnelle. « Je suis dans ma prison, je vais mourir, donc je peux dire, sans vouloir me vanter, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » C'est ça. Et puis, il va dire à Timothée, à deux reprises, si ce n'est pas trois reprises, « Combat le bon combat, Timothée. Garde le bon dépôt, Timothée. » C'est ce qu'il va répéter deux, trois fois. « Lâche pas, mon Timothée. Garde le bon dépôt. N'abandonne pas la foi. Souviens-toi de ce que tu as entendu. » Je t'encourage, Timothée, à accepter, comme moi, de mourir dans la foi s'il le faut. Puis il va dire à quelque part, « Imite-moi, Timothée. Suis-moi, Timothée. N'aie pas peur. Si la mort est au bout, ben, si j'étais capable d'accepter, tu peux être capable d'accepter aussi. » C'est donc, n'abandonne pas, là, à cause que tu vois peut-être qu'il y a un risque de vie, de perdre ta vie. Mais regarde, je vois la peine, moi. J'abandonne pas, là. Donc, c'est le but, encore une fois, c'est garde le bon dépôt, Timothée. Puis on va voir que l'Église d'Éphèse a déjà abandonné une partie du bon dépôt. Et Timothée, son rôle en tant qu'évangéliste, c'est de ramener le bon dépôt dans l'Église, le stabiliser à nouveau. Encore une fois. Quand j'arrivais dans les églises, je commençais comme je suis arrivé à Val-d'Or, puis je suis arrivé à Rouen, puis je suis arrivé à La Sarre, puis je suis arrivé à Mont-Tremblant. Les premières années que je travaillais avec eux autres, la plupart du temps, c'était juste pour stabiliser, de ramener l'Église à ce que moi je croyais être la vérité. Parce que ça partait dans toutes les directions. Et souvent, ce que je faisais, parce que c'était mon travail de travailler avec les nouveaux groupes, souvent c'était un rassemblement de croyants qui venaient de partout. Donc j'avais des baptistes, des frères, certains avaient été des églises de l'Alliance, certains avaient été dans des églises pentecôtistes. Moi, j'appelais ça des vieux baptistes, puis des jeunes baptistes, ou des nouveaux baptistes. Là, on mettait ça ensemble. On avait 15, 20, 30 personnes. Là, mais, oh! Et là, je me souviens, quand j'arrivais à Saint-Jovite, au moins à Mont-Tremblant, aujourd'hui, j'avais dit, je ne suis pas sûr qu'on prêche le même évangile. C'est pour ça que j'avais commencé avec l'Épître aux Romains avec eux autres. Ils disaient, on va faire un seul vote de l'évangile dans l'Épître aux Romains, pour être sûr qu'on annonce le même évangile toute la gang, parce que je ne suis même pas sûr qu'on annonce le même évangile. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent le rôle de l'évangéliste. Si vous allez voir dans la bibliothèque de Sainte-Bec, le seul gars qui a été appelé évangéliste au Québec, c'est moi. Le seul gars qui a été appelé évangéliste, ou appelé évangéliste, c'est moi. Donc, mon nom est là dans la bibliothèque avec un livre. Richard Roule qui avait fait. Richard Roule, il avait vu le même enseignement que moi. Il dit, le seul évangéliste qu'on a au Québec, c'est François Neuf. Donc, il dit, on n'a pas le moment. Parce que j'allais dans les... Je connais des groupes, puis je redressais l'enseignement, on rebâtissait les églises, puis je m'en allais ailleurs après. C'est un peu l'ordre d'un évangéliste pour mon temps les avoir. Mais je le faisais déjà bien avant qu'on me donne, que le Charon me donne un titre d'évangéliste. Mais c'est ce que Paul va dire à Timothée. Je t'ai laissé là si près, parce que de la fausse doctrine dans l'église, et tu dois redresser. C'est jamais facile. C'est jamais facile de faire ça. Parce que les gens ont leur habitude, leur façon, leur culture, leur arrière-plan, leur bagage, leur vie. Et toi, tu vas redresser ça le mieux que tu peux pour emmener à ce que tu penses être l'évangile apostolique. Donc, c'est pour ça qu'il dit au verset 3. Gaëtan, veux-tu nous lire le verset 3? 4 aussi. Comme j'étais exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est de même que toi, toi. Moi, c'est une colombe. Une colombe. Le stress a volé. Non, c'est une joke. C'est une seconde, c'est une colombe, c'est bien carré. Écoutez bien ce qui est marqué, ce qui est bien dit au verset 3. Je te rappelle. Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Je te rappelle quelque chose, ça veut dire quoi? Je te l'ai déjà dit. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais. Donc, combien de temps entre la première fois qu'il a dit et la deuxième fois qu'il va le répéter? Quand il l'a dit, il dit, je t'ai laissé en Macédoine, en Éphèse, pour quelque chose. Combien d'années plus tard, ou combien de temps plus tard, Paul écrit la première lettre, puis il dit, il semble que tu ne l'as pas fait, ou ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je te rappelle, pourquoi je t'ai laissé là-bas? Ça veut dire quoi? C'était pas facile, ça n'a pas été évident. Ou Timothée hésitait-il? Est-ce que Timothée remettait des choses? Est-ce qu'il a trouvé ça difficile? Est-ce qu'on on va voir dans la deuxième épître? C'est encore là, donc c'est pas... soit que Timothée n'arrivait pas à le faire, ou soit qu'il avait abandonné de le faire, ou soit qu'il glissait, il laissait passer, ou il n'arrivait pas à emmener l'Église à se redresser doctrinalement. On pourrait quasiment penser que c'était pas la personne qu'il fallait pour le besoin. On dirait ça, c'est comme s'il n'y a assez pas d'autres personnes qu'il faut qu'il se rabatte sur Timothée, on pourrait penser. Je crois pas que Paul a forcé Timothée. Je crois que Timothée ne suivait pas depuis assez longtemps. Je crois que Paul a vu Timothée. Mais je pourrais bien dire quelque chose de même. Il n'y a jamais personne qui est prêt à faire ça. C'est jamais facile pour personne. Mais s'il n'y a comme pas un leadership naturel, ça joue contre lui. Si d'avance, tu sais, tout le monde, ça je le sais, là, tout le monde n'est pas digne, mais tu as des gens qui campent bien tel rôle, on le voit, tout le monde va dire, ah oui, tu sais, on voit qu'il peut avoir des faiblesses, des difficultés, mais il est fait pour ça. Là, dans le cas de Timothée, on dirait que c'est contre nature chez lui, on dirait. Et c'est pour ça que ça, c'est l'image qu'on a. Qu'on se fait, oui. Est-ce que Timothée n'a pas la capacité ou si Timothée glisse spirituellement? Ouais. Okay, c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce que ça pourrait pas être juste Paul, il rappelle l'importance de ça, sans nécessairement qu'il glisse ou qu'il ne soit pas à la hauteur? Est-ce que c'est juste peut-être pour raffermir la position d'importance de ça? Oui, ça pourrait être ça. T'sais, jette un œil, parce que ça, c'est vraiment important. Là, là, prends bien soin de... Mais on habituellement, on n'a pas de précision sur combien de temps entre la première fois qu'il l'a laissé là et qu'il va écrire cette lettre-là. C'est-tu passé 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Mais l'ensemble des deux lettres semble me dire que l'apôtre Paul voit que Timothée hésite à le faire. Ce qu'il va dire, rappelle-toi, fais-le, puis, n'aie pas honte de moi. Donc, il dit, fais-le de l'évangéliste, prends position. Tu sais qu'il va dire, dans en toute occasion, favorable ou non, prends position. Donc, il y avait des moments où c'était pas favorable. Peut-être qu'on y reviendra à ce moment-là, mais quand on dit que c'était pas favorable, ça veut dire que c'était. En tout cas, j'aurais de difficulté à dire que c'était pas le temps, plutôt que de dire que c'était confrontant. Oui, c'était confrontant. Il y avait des gens qui étaient contre l'idée de changer. Fait que ça serait ça, le pas favorable, même si les gens ne sont pas en ta faveur, ouais, prends position quand même. Okay. Parce que tout au long, ce qu'il va dire à Timothée, c'est de faire des choses qui sont déjà entrées dans l'Église, des coutumes déjà entrées dans l'Église. Donc, quand il va dire ici, là, je t'ai adressé à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de dire, le mot recommander, c'est pas assez fort selon moi, recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, il y a des gens qui enseignaient dans l'Église depuis quelque temps des choses. Et on va voir en s'en allant que cet enseignement-là avait influencé le comportement de l'Église dans différentes directions. Parce que moi ici, la façon que c'est écrit, là, il dit « il faut que tu leur ordonnes de cesser ». C'est ça que j'ai dit, le mot plus fort. Le mot « ta Bible est bonne », pour une fois, ta Bible est bonne. C'est le mot qui est là dans le grec, c'est le mot « ordonner »,« commander c'est pas un choix que tu donnais. Là. Tu dis aux pauvres gens, je vous en prie, si vous voulez, voulez-vous changer de direction, s'il vous plaît? Non, il va plus loin, il va dire un peu plus loin. S'il y a des anciens qui enseignent des choses pas correctes, reprends-les devant tout le monde. Là. Donc, c'est marqué afin de recommander à certaines personnes. Oui, c'est ça que je t'ai dit. Point c'est ça que je t'ai dit. Le mot est passé fort, selon moi. Mais il semble qu'il va dire un peu plus bas, le but de ce commandement, il va le ramener. Je crois que le mot, Paul il va aller plus loin que juste dire, moi si je te recommande un tel restaurant, tu veux que tu peux le prendre ou pas prendre. Et le mot est plus fort que ça. Il va recommander, mais c'est un petit peu plus bas que le mot ordonne de cesser, ouais. Puis probablement que Gaëtan aussi. Oui, c'est ça. Loin. Oh là, moi j'ai le mot commander. Ouais, je vais enjoindre. Donc c'est ça. Donc c'est des mots qui veulent dire plus fort que recommander. Ouais. Donc il y avait certaines personnes dans l'Église, on ne sait pas combien, 2 ou 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas quoi, et on va même ouvrir la porte à des femmes. OK? Est-ce qu'il y avait des femmes qui avaient pris un rôle? Est-ce qu'il va parler un peu plus bas? Dis aux femmes de ne pas faire ça. Donc, c'est pas pour rien qu'il va peut-être emmener l'idée là. Est-ce qu'il y avait eu quelque chose dans l'Église qui s'était produit, qui avait emmené certaines femmes à vouloir enseigner? Parce que pourquoi en parler s'il n'y a pas personne qui le fait déjà? Donc, s'il y avait peut-être une idée là, j'ouvre la porte. On va en parler plus loin. Mais ces enseignements-là qui sont faux, okay? D'autres doctrines, donc sont fausses, étaient là depuis assez longtemps, qui avaient influencé l'Église dans une certaine direction. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, ne reprends pas durement les vieux, les vieilles, les jeunes. Reprends-les, mais pas durement. Okay? Reprends-les. Ils ont été influencés par de la fausse enseignement. Ils ont pris des mauvais plis dans leur façon de faire les choses. Hein? Donc, il dit, reprends-les, mais vas-y doucement. Vas-y doucement. Surtout que les vieux, hein? Les vieux, surtout que les vieux. Si tu veux les plier trop vite, ils cassent. Ils craquent. Mais quand on comprend bien le but de Timothée, là, on va comprendre les textes là mieux. Parce que l'enseignement influence le comportement, influence notre façon de vivre. Donc, s'il y a eu des faux enseignements, quand tu arrives dans une église, prenons un exemple qu'on a vécu. Prenons un exemple qu'on a vécu dans nos églises à travers les années. L'enseignement sur la prière qu'on avait, puis qu'on priait pour rien, puis qu'on était. On avait un enseignement qui nous faisait faire des faussetés, prier sur des mauvais buts, puis au final, la majorité ont été déçus, puis ça nous éloigne, puis ça nous fait faire, et on vit dans une mauvaise compréhension de ça, puis on l'exprime aussi d'une mauvaise façon. Donc, c'est pour ça que quelqu'un a pu arriver à l'église, mettons un Timothée, dire oh! Il va falloir que j'enseigne sur la prière. La façon qu'il prie, il y a quelque chose qui se sont éloignés. Donc, il y a des choses. La pratique qu'on faisait du repas du Seigneur, le pain passe, puis tu remarques en tant que dirigeant, un Timothée qui est là, tu dis, il y a des chrétiens qui ne prennent pas le repas du Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont entendu comme enseignement pour ne pas prendre le repas du Seigneur, les autres? Si toi, tu crois, toi, en tant que Timothée, que le repas du Seigneur, ça devrait être pris par les croyants en général, qu'est-ce qui se passe ici pour qu'il fasse ça? Donc, tu vois qu'il y a un comportement qui va arriver en ligne de compte. Donc, il va toucher aussi toute la question. Timothée, l'apôtre Paul va parler des veuves. J'étais surpris, pour la première fois, je remarque à quel point il parle longtemps des veuves. Quasiment tout un chapitre sur les veuves. Qu'est-ce qui se passait dans cette église-là pour que Paul parle si longtemps des veuves? Pas des veuves, c'est des veuves en plus. Oui. Et puis il a dit qu'il y a des veuves qui se sont éloignées de la foi et qui ont suivi Satan. Oups, là ça devient plus important. Parce que là, tu dis, l'enseignement qu'il avait reçu les influençait, là. Il les a emmenés dans une direction qui n'était pas correcte. Timothée doit redresser ce qui se passait là, chez les veuves et le comportement de l'Église aussi avec les veuves. Tu sais, quand Timothée va devoir dire à l'Église, si vous ne occupez pas de vos veuves, les gars, là, vous êtes pire que les infidèles. T'as un peu, là, Timothée, que tu y vas un peu fort. Hein, t'sais? De ne pas s'occuper de nos veuves, on est pire que les infidèles. Tu dis, oui, c'est ça que je vous dis, c'est ça que Paul a dit. Là. Donc, quel enseignement avait amené les gens à penser comme ça ou à agir de même? Donc, c'est des... Quand... C'est mieux de voir dans le verset 3, là. Paul était là à Éphèse, avec lui. Hein? Paul était là. Je t'ai laissé là parce qu'il était là, lui, Paul. Là. C'est-à-dire que lui, Paul, a vu ça quand il est arrivé à ce moment-là dans l'Église. Il a remarqué qu'il y avait des gens qui enseignaient des choses pas correctes. Il a peut-être entendu des anciens parler. Il a vu que les anciens disaient des choses pas correctes. Paul dit, moi, je voudrais bien rester, passer de redresser ça, mais je ne peux pas, Timothée. Tu vas rester, toi, Timothée. Mais ça, on voit Timothée. Non, Paul, reste ici, je vais y aller, moi. Laisse ici, je vais y aller, là-bas. Je vais aller, reste ici, je vais aller faire... Redresser, c'est jamais facile. François, une vieille idée, je reviens à Apocalypse, parce que dans l'église d'Éphèse, théologiquement, elle avait les bonnes doctrines. Ça veut dire qu'il y avait eu du ménage de fait. Ils ne leur reprochaient pas par rapport aux doctrines, ils leur reprochaient d'avoir perdu leur premier amour. Oui. Là, c'est plus tard, là, mais il reste qu'il y a eu du ménage de fait dans les fausses doctrines. Oui, je crois que oui. Je ne suis pas prêt à 100% à dire que toute leur doctrine était correcte, mais je crois que là... problème à Éphèse, le premier fondamental, Dans l'Apocalypse, c'est l'amour qu'il avait pour Dieu. Ici, c'est autre chose. Ouais. C'est la doctrine. Est-ce qu'ils ont redressé? Peut-être qu'ils ont redressé pour 5 ans ou 10 ans. Si tu ne redresses pas à tous les ans, tu es dans le champ de 20 ans. C'est comme pour toujours. Il n'y a pas de redressement à la vie. Là. Ouais. Tout ça, dans votre vie, c'est-tu comme ça, vous? On est toujours en train de se redresser. Ça, c'est... Moi, là, la prière, mettons ce qu'on a eu, là, me semble que c'est ça pour toujours, ça ne changera plus. OK. Je ne dis pas que moi, ma pratique, mais cette façon de le comprendre, il n'y aura pas d'autre d'après moi, là, aujourd'hui. Tu es dans le patate. Dans le patate, je pense. On ne sort pas là au sujet. Il faut toujours, comprendre qu'il y a une partie de nous qui veut partir dans une autre direction. Si je ne suis pas à l'écoute qu'il y a quelque chose qui veut partir dans l'autre direction, je vais partir dans l'autre direction. Il y a toujours quelque chose dans moi qui veut aller dans une autre direction. C'est ce qu'on appelle la chair. La chair. La chair, chair. Hein? Notre chair, chair. Si je ne me méfie pas de ça, je vais partir dans une autre direction. Et c'est pas que l'Église, vous dites, l'Église, elle commence, puis elle s'en va, puis au bout de 50 ans, elle est morte, elle est finie, c'est fini, elle n'est plus là. Il n'y a pas d'apprentissement à vie. J'ai compris, c'est fini. Non. Je peux avoir fait des pas. Je peux reculer d'un pas aussi. Mais il me dit plus loin, à un moment donné, je pense que c'est dans le 2. Dieu va se charger à un moment donné de si tu ne comprends pas maintenant, c'est pas grave, Dieu va parler, va te l'enseigner. Pas une place qui dit ça dans les chapitres à venir. Non, ça ne peut pas, peut-être que oui. En tout cas, on va y passer, c'est une question de temps. Donc, Paul, il voit ça, là, il dit il y a des gens dans l'Église qui enseignent d'autres doctrines. D'où ce qui venait, ces autres doctrines-là? D'où ce que ça vient, les autres doctrines? Ça venait de gens dans l'Église, c'est pas des gens de l'extérieur. Mais ça vient souvent de notre arrière-plan, de nos idées en arrière. OK, donc, on va en parler en s'en allant. Donc, il dit au verset 4, « Et de ne pas s'attacher, il y a des fausses doctrines, et il y a des fables, puis il y a des généalogies sans fin. Des fausses doctrines, des fables, hey, des fables dans l'Église. Une fable, pour moi, là, c'est la fable de la fontaine. C'est ça que dans ma tête, une fable, c'est une histoire inventée. C'est, on ne devrait pas croire des fables dans l'Église. Mais là, il dit de s'attacher, il y a des chrétiens qui s'attachaient à des fables et à des généalogies sans fin. C'est quoi ça, cette histoire-là? As-tu dans d'autres traductions? Gaétan, ta colonne, as-tu dit la même chose? C'est bon. J'ai dit l'art de renoncer à ses légendes et à ses longues listes d'ancêtres. Donc, ici, il y a des gens qui avaient emmené dans l'Église des légendes, des fables, des histoires qui sont rentrées dans l'Église comme étant des vérité, des choses de vraies, des choses d'importantes. Hein? Et des généalogies. Généalogies, c'est les ancêtres. Oui. Je me suis posé, c'est-tu les Juifs ou si c'était les Grecs qui a amené ça? Parce que ça pourrait être un des deux. Mais les Juifs, on sait qu'ils ont une grande importance avec les généalogies, d'où ce que ça, on vient, nos ancêtres, tout ça. Les quelques petits détails peut-être qui vont nous faire comprendre que c'est peut-être les Juifs, mais ça n'a pas une grosse importance comme telle. Si je peux découvrir si c'est les Juifs ou les Grecs qui avaient cette pensée-là. Mais tout à l'heure, il va dire de s'attacher à des contes de vieilles femmes. Ah oui? Tu dis à toi-même, c'est quoi cette histoire-là? Puis, t'sais, on est quasiment surpris, mais tu dis, c'était pas des gens différents de nous. Non. C'était des êtres humains comme nous qui étaient là, qui étaient des nouveaux, des croyants, des gens qui s'étaient convertis à la foi, et qui attachaient de l'importance à des choses qui étaient en dehors de la Bible. Fausse doctrine, forme, généalogie sans fin. Donc, on allait monter en arrière, puis on mettait de l'importance de nos ancêtres, on pourrait dire. Puis il dit, ça là, ça produit plutôt des chicanes ou des discussions que ça fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, c'est... C'est le but, c'est la raison d'être que Timothée est resté là, que Paul a laissé Timothée là. Donc, Timothée va voir tout ce qui va s'en venir par la suite. Paul va donner des instructions à Timothée pour l'aider à faire ça, à redresser la fausse doctrine, amener l'Église à abandonner cette question de forme, de généalogie-là, en tout cas, de leur donner une place moins importante, de ne pas s'attacher à ça comme... Est-ce qu'ils s'attachaient à ça par rapport au salut? C'est quelque chose qu'on voulait se poser comme question. Pourquoi est-ce que Paul... Je ne sais pas si un de nous avait une légende et qu'il raconte ça, de voir. Ben, raconter ton histoire, ça ne dérange pas personne. Mais il semble que ça a une importance pour Paul. Et je crois que ça va nous aider à comprendre certains textes plus loin. Qu'est-ce qui se passait dans l'Église? Est-ce que ça a amené des problématiques avec le salut, avec la vie chrétienne? Je crois que oui, ça a amené des problématiques. Hein. Donc, et ça va être à quelques reprises, l'apôtre Paul va parler de diable, de Satan. Je suis toujours surpris parce que c'est pas le langage qu'on utilise souvent. Parce que, les jeunes veuves se sont détournées pour suivre Satan. Je dis, il me semble que j'hésitais à m'en dire ça à quelqu'un. Tu sais, tu es en train de suivre Satan? Faut que tu sois pas mal sûr de ton affaire avant de le dire, que tu sois capable de le démontrer. Mais comment tu peux passer d'avoir abandonné ton ancienne religion, je peux dire ça comme ça, d'avoir fait profession de foi, de venir dans l'Église, puis finalement de détourner encore une fois, de retourner à suivre Satan. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver? Quelque chose d'insidieux là, c'est sûr. Il y a quelque chose d'insidieux là. C'est assez insidieux que presque personne ne le voit, ou ça se fait tellement doucement que tu laisses aller. C'est pour ça qu'il va dire, il y a des gens qui enseignent là, dans l'Église hein, qui ne devraient pas être là. Il y en a, il faut que tu enlèves de là, puis il y en a, il faut que tu n'en mettes d'autres avec des bons critères. Et c'est ça que Timothée doit faire. Puis c'est ça que j'ai l'impression que Timothée ne trouve pas facile de faire. Surtout qu'il est jeune, okay, puis qu'il n'y a pas cette même statut de Paul que Paul pouvait avoir, que Paul avait fait un paquet de miracles, puis qu'il avait guéri du monde, que Timothée, lui, non, on n'a aucune idée que Timothée n'ait jamais fait un miracle de sa vie. Là. Donc, Paul était arrivé à quelqu'un qui parlait, je suis un apôtre, puis qui avait fait tellement de miracles, les gens avaient tendance à écouter. Mais Timothée, lui, était une autre histoire, il était plus jeune. Puis il était chez les Juifs, il était mal parti parce que c'était un moitié grec. Chez les Grecs, il était mal parti parce que c'était un moitié juif circoncis. Et on sait que les conflits qu'il y avait avec les Grecs et les Juifs. Donc, pour lui, il est comme. Je parlais de ça avec quelqu'un, un chrétien cette semaine, qui disait. J'ai dit, on est-tu mal fait? Hein? On attend que ça aille mal pour se mettre à genoux. Il dit, on est-tu mal fait? On attend que ça y aille mal pour se mettre à genoux. Quand on dit ça va mal, là, puis on est tout dans la marbre, là on se met à genoux, là on prie tout d'un coup. Mais il me semble qu'on devrait commencer à avant, quelque part. On est comme ça, les chrétiens. Ah, mais c'est la nature humaine aussi. L'enfant, il va se retourner sur son parent quand il va avoir besoin de lui. Là. Autrement, en tout cas, là, souvent, on n'a pas de nouvelles de nos enfants, ça va bien. Bonne nouvelle. Que c'est qu'il y a besoin d'argent, je suis enceinte, j'ai un problème, j'ai un bon pneu, mon genre. Et c'est pour ça que je dis que peut-être, c'est peut-être une des raisons, comme on a vu dans Thessalonique, qu'on voit ailleurs, que Dieu veut des temps difficiles, qu'on se mette à genoux. Parce qu'il semble que c'est dans ces moments-là qu'on se met à genoux. Et je crois que Timothée, ici, dans cette période difficile, Paul va l'encourager à se mettre à genoux, de se confier dans le Seigneur. Que c'est pas à cause que tu es comme moi, tu es un bulldozer, que tu vas réussir plus que moi. Moi, je dis que je suis un bulldozer, mais je passe du temps à genoux pareil. Donc, toi aussi, tu dois passer du temps à genoux, peu importe le tempérament que tu as. Tu dois passer du temps à genoux. Donc, c'est comme pas. Si tu veux redresser et ramener l'Église à la. Il y a des moyens, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, il ne va pas rester là 20 ans. Là. Parce qu'il va dire, il va falloir que tu mettes en place des anciens qui ont les mêmes critères que nous là, dans la foi. Il va falloir des gens qui sont capables d'enseigner les mêmes vérités que nous autres, on enseigne. Là. Timothée va faire, tu regardes dans la gang, tu dis, lui, là, ben lui, il enseigne les mêmes choses que Paul. Là. On va le mettre comme ancien. Là. Lui, là, pas lui, on va l'enlever de là. Là. Et c'est ce qu'il devait faire là, dans l'Église. Là. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Là. Parce que l'Église est partie dans une mauvaise direction, il va falloir les ramener tranquillement dans le, ce que lui appelle le bon dépôt ou le bon combat. Et c'est ce qu'il va faire. Non, il y a des choses qui deviennent. Moi, dans toutes les églises que j'ai passées, là, il y a toujours quelque chose qui arrive à quelque part qui fait qu'on perd de vue l'Évangile et on se bat pour d'autres choses de moins important. Dans toutes les églises que j'ai passées, sans exception. Il y a toujours quelque chose, des fables, j'appelle des généalogies, des choses qui arrivent qui n'ont pas vraiment l'importance comme la foi, là, mais il y a des débats, puis des chicanes, puis des divisions à cause de ça. Puis tous les pasteurs que j'ai connus ont tous vécu à peu près la même chose. Puis probablement vous connaissez pas qu'à l'Église qu'il y a eu des divisions dedans. Vous allez voir, la plupart des divisions, c'est pas à cause des doctrines. C'est du tapis, puis c'est des peintures, puis c'est tout ça qu'on va faire. On perd de vue la réalité, ce qui est important. Et on dit, comme il dit, ça produit plutôt des discussions, Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis dans son église à lui, tout est une autre affaire, c'est encore une autre affaire qui sont en train de se chicaner une fois, puis des problèmes. Ça n'a rien à voir avec la doctrine. C'est la structure, c'est la façon de fonctionner, c'est comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on ne fait pas les choses. On perd de vue que le salut, les vérités fondamentales, la raison d'être de l'Église fondamentale, et on se chicane pour toutes sortes d'affaires. On n'a pas vraiment les raisons d'être. Donc ça, c'est notre... On va arrêter là pour aujourd'hui, et on va commencer la semaine prochaine ce que Paul va donner, commencer à donner des directives à Timothée. Je dois vous donner un petit devoir, si vous voulez passer du temps là-dessus, de regarder l'expression « conscience ». Bonne conscience, conscience pure, conscience flétrie. Paul parle de cette conscience-là dans les deux épîtres. C'est voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres. Parce qu'il dit, ceux qui n'ont pas une bonne conscience abandonnent la foi. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par bonne conscience? Donc, quand il va parler des faux docteurs, il va dire, ils ont la flétrissure dans leur conscience. Donc, il dit, Timothée, garde une bonne conscience. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Nous autres, vous avez peut-être une idée de ça veut dire quoi, une bonne conscience, mais c'est ça que ça veut dire dans l'épître à Timothée. Des fois, ça peut être un peu différent. OK? Donc, faites une petite recherche avec ça, puis vous essayez d'avoir une petite conclusion, puis là, je vais pouvoir vous dire de vous êtes trompé. Hein? Dans ce temps-là, mettons que je fais une recherche, je pensais que c'est conscience, définition biblique, genre, parce qu'une conscience dans la rousse, ça ne doit pas être la même chose. Vous allez voir dans la Rousse, si vous dites, vous avez deux ou trois choses comme définition, complètement à côté, puis allez voir, est-ce que ça colle avec mon conscience ici, dans le Timothée. Et regardez, parce que c'était quasiment juste dans ces deux épîtres-là qu'il en parle, de cette conscience. Puis il en parle souvent, je pense que c'est cinq ou six reprises qu'il parle. Et essayer de voir pourquoi il emmène ça là, dans l'épître. Pourquoi il parle de cette conscience-là pure, cette conscience-là bonne, pourquoi c'est si important pour Paul. Nous allons terminer dans la prière. Notre bon Père du ciel, on voit que tu utilises des hommes et des femmes bien ordinaires. Paul, c'est un gars ordinaire. Timothée, c'est des gars ordinaires. Comme nous. L'extraordinaire, c'est toi. C'est pas les hommes, c'est pas les femmes. C'est pas le fait ce qu'il avait à faire. Lui-même le dit par la grâce de Dieu. Timothée, il va falloir qu'il fasse ce qu'il a à faire par la grâce de Dieu aussi. Et on te demande, Seigneur Dieu, que tu puisses nous faire voir ce que nous autres, on doit faire pour garder le bon dépôt, combattre le bon combat. Parce que c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, c'est l'histoire qu'on a à vivre comme toutes les autres avant nous. Et Seigneur, on te demande que tu puisses nous instruire, afin qu'on puisse transmettre à la génération qui s'en vient quelque chose qui ressemble le plus près possible à l'Évangile apostolique. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Tournez avec moi dans Galates. Oh, c'est moi qui vais faire le repas du Seigneur aujourd'hui. Galates, chapitre 6. Dans votre vie de tous les jours, en tant que non-croyant et en tant que croyant aussi, qu'est-ce qui fait votre gloire? Soyez pas trop spirituel. Je ne veux pas avoir d'idées. Ne levez pas la main. Pensez-y dans votre cœur. Qu'est-ce qui te valorise? Qu'est-ce qui te glorifie, toi? Sur quoi tu t'appuies, toi, pour te glorifier? Quels moyens tu prends pour te donner de la valeur, pour te donner une raison d'être, pour... Quand tu parles de toi, qu'est-ce que tu as tendance à faire ressortir? Hein? Qu'est-ce que tu as tendance à faire pour avoir une belle image de toi-même, de ta tête, que tu veux que les autres te perçoivent? Tu utilises des moyens pour le faire. Vous étiez pécheurs, comme moi avant, vous aviez tous des petits moyens à vous autres, et vous aviez des façons de vous valoriser, de vous... Si on avait la possibilité là, de prendre l'intelligence artificielle dont on parle partout, là, présentement, pour dire, tu vas prendre la vie de François pendant un an, puis quand il parle, dis-moi de quoi il parle le plus souvent quand il parle de lui. Je veux mon temps qu'il n'y ait pas d'intelligence artificielle. De quoi? Qu'est-ce qu'il fait? On a une tendance humaine. Et moi, je sais que j'étais païen. En tout cas, dans ma tête, c'est clair avec quoi je me valorisais. Et puis quand on devient chrétien, on a encore cette vieille racine là, qui est là, qui nous suit dans la chair, encore une fois, on a tendance à vouloir se valoriser avec des choses de ce monde. Et si je vous dis ça demain, c'est parce que l'apôtre Paul, il va parler ici. Je sais que le contexte est chez les croyants. Et il est encore avec les Galatiens. Vous vous souvenez, l'Épître aux Galates a comme sujet quoi? Est-ce qu'ils s'en souviennent? Le but de l'Épître aux Galates? La justification par la foi seule. La justification par la foi sans la loi. Donc on est dans ce contexte-là. Là. Et au verset 12 du chapitre 6, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair. C'est pour ça que je vous disais, on veut se rendre agréables selon la chair. Hein? On veut que les gens nous aiment. Ah, qu'on est prêt à en faire des choses, les gens nous aiment. Moi, on a dit qu'on est prêt à en faire des choses. Il dit, ceux qui veulent se rendre agréables sont la chair. Et là, on est où? On n'est pas sur la place publique, on est dans l'église. Okay? C'est dans l'église que ça se passait, ça, cette affaire-là. Ceux qui veulent se rendre agréables sont la chair, vous contraignent à vous faire circoncire. Uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. C'est ça. Donc, dans l'Église, il y avait des jeunes, des croyants, pour éviter des certaines persécutions pour à cause de la croix, parce qu'ils étaient des croyants, qui prêchaient la croix à Jésus-Christ, le salut, la justification par la foi à Jésus-Christ seul. Mais il encourageait les chrétiens à se faire circoncire. Donc, ça ne devait pas le être des juifs qui faisaient ça, parce qu'ils voulaient être agréables à qui? À d'autres juifs. D'autres juifs chrétiens, peut-être, ou d'autres juifs pas chrétiens. Mais ils veulent se rendre agréables aux gens. Et ça, c'est un danger, hein? C'est un danger qui nous guette chacun de nous. Parce qu'on veut être agréable. On veut que les gens nous aiment. Ben oui, c'est ce qu'on voudrait donc. Puis on est prêt à faire n'importe quoi quasiment. Même le péché, ça fait partie de notre folie. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Il dit, ils veulent vous emmener à faire, mais les circoncis eux-mêmes ne le font pas. Mais il dit, pourquoi nous autres on voudrait le faire? Pourquoi nous autres on voudrait aller dans cette direction-là? C'est parce qu'on veut plaire. C'est tout simplement ça, c'est ça qu'il dit, on veut être agréable. Mais ils veulent, verset 14, pour ce qui me concerne, là, pas lui, elle emmène, pour ce qui me concerne, moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur Israël de Dieu. Donc, c'est l'apôtre Paul, il voit que dans l'Église, des gens qui se glorifient en Jésus-Christ parce qu'ils sont dans l'Église, mais qui veulent aussi se glorifier de d'autres choses. Qui veulent clair. Mais Paul il dit, en tant que croyant, de se glorifier en Jésus-Christ ou de la croix de Jésus-Christ, ça devrait être suffisant. On ne devrait pas vouloir se glorifier par autre chose que la croix. Et dans mes 45 ans de vie chrétienne, et j'ai été impliqué, comme vous savez un peu, à travers toute l'association. Et le grand combat des pasteurs, c'est de se glorifier seulement dans la croix. Et non pas dans leur ministère, dans leur travail, dans leur église qui grandit, ou l'église qui grossit. On a bien de la misère avec ça. C'est le but principal, c'est je veux me glorifier en Jésus-Christ seul, en la croix seul. Et je crois que ça fait partie de prendre, pour moi, de prendre le repas du Seigneur et dire, il y a juste une chose sur laquelle je devrais me glorifier. C'est la croix. C'est la croix. Dans l'Ancien Testament, il y avait une autre façon de le dire, que celui qui se vante dans le Seigneur. Celui qui se vante dans le Seigneur. D'avoir... notre valeur, ou de dire ce qui fait ma valeur, ce qui fait ma gloire, ce qui devait faire ma raison d'être, c'est le fait que je suis un chrétien, que j'appartiens à Jésus-Christ, que je suis un enfant de Dieu. Et c'est... Mais il y avait des combats. On a des combats d'autres aussi. Je crois que le repas du Seigneur, sert à nous ramener à ça. Le monde est mort pour moi. Le monde est crucifié. Ça veut dire mort. Le monde est mort. Je ne veux pas aller chercher dans le monde quelque chose pour me glorifier. Je ne veux pas. Je veux pas. Je veux me glorifier seulement Jésus-Christ. Donc, c'est un... Quand l'apôtre Paul dit « Le monde est crucifié pour moi », ça amène une réaction de la part du monde. C'est que le monde me crucifie aussi. Dis, le monde est crucifié pour moi, mais je le suis aussi pour eux autres. Il y a une réaction. On ne peut pas abandonner le monde comme moyen de se valoriser sans que le monde réagisse aussi à ça. Le monde n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça qu'en prenant le repas du Seigneur, le Seigneur nous aide à dire la seule chose dans laquelle je vais me glorifier, nous, on va le prendre pour notre vie chrétienne, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je suis capable de faire ou pas faire, c'est la croix. C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. J'ai juste ça. J'ai juste, entre moi et Dieu, il y a juste ça. Dans le sens qu'il ne peut pas avoir d'autre chose que ça. Donc, je ne pourrais jamais, je parlais de ça avec un chrétien cette semaine, je n'ai jamais le même chrétien. Je n'ai jamais le même chrétien. J'ai eu une rencontre différente en semaine. Je disais, Oh, j'ai perdu mon idée en faisant cette niaiserie. Il y a juste la croix entre toi et Dieu. Ouais. C'est difficile de dire qu'il y a seulement ça entre moi et Dieu. Il n'y a pas ce que je fais dans la vie chrétienne, ce que je produis dans la vie chrétienne, n'a pas d'impact, c'est ça que je veux dire, n'a pas d'impact sur ma relation avec Dieu. Ne changera pas la relation que j'ai avec Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire, je vais le faire. Mais ça n'a pas d'impact sur ma justification, ma sanctification. Ça n'a pas d'impact là-dessus. Je suis un saint, je suis justifié. Et c'est la seule chose qui me relie à Dieu, c'est la croix. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc c'est un peu ce qui nous a aidé à... Quand on parle du repas du Seigneur, on dit, mais la seule chose dont je me glorifie ou à laquelle je veux m'attacher, c'est la croix. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Le reste, je peux dire comme l'apôtre Paul, j'en ferai jamais trop pour le Seigneur. Jamais. Je ne peux jamais trop en faire pour le Seigneur. L'apôtre Paul a des expressions très dures, très fortes, tu ne peux pas trop en faire. Mais tu ne peux pas rien faire pour améliorer ce que déjà t'es fait par lui. Ce qui a été fait par lui, t'es fait par lui. Donc, et je crois que le repas du Seigneur nous ramène à cette simplicité-là, à cette base-là. Ça a commencé là, à la croix. C'est là que j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est là à la croix. Donc, on va prendre le repas du Seigneur en fonction de ça. Je vais demander au pépin s'ils veulent passer la coupe, s'il vous plaît. Et le pain. Juste un. Je viens, François. Ah, pardon, donc, le soir du repas pascal, Jésus a transformé ça un petit peu. Il dit, on a l'habitude de se souvenir de l'Égypte, mais à l'avenir, vous allez vous souvenir de d'autres choses. Vous allez vous souvenir de moi, vous allez vous rappeler moi, vous allez vous ramener à votre mémoire ce que moi j'ai fait. Et donc, il dit, il a pris le pain qui a déchiré. Je crois que c'est un symbole de ce qui était pour venir. Il dit, mon corps va être brisé, déchiré pour vous, afin que vous soyez sauvés ou rachetés. Mangeons ce pain en mémoire de ses souffrances. Les souffrances l'ont amené à la mort, et le symbole, c'est la coupe, le sang, comme le sang de l'agneau. Mais maintenant, ils disent, allez vous souvenir que c'est mon sang qui va être versé pour vous. Donc, je vais donner ma vie afin que vous puissiez avoir la vie, vous autres. Buvons en sa mémoire. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient prier? Merci Seigneur le grand Dieu, Père éternel, qui est là depuis toute éternité et pour encore toute l'éternité, qui nous promet que cette éternité-là, on va pouvoir la passer avec lui grâce au seul et unique sacrifice de son Fils Jésus. Aujourd'hui, si on est réunis aussi ensemble, c'est pour célébrer ça, Seigneur. C'est pour célébrer ça ensemble. C'est pour s'unir, se fortifier en toi, Seigneur. S'encourager, prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'intervenir encore plus profondément dans chacun de nos cœurs pour que, par l'Esprit, on puisse encore plus s'unir dans la prière pour toi, pour lever les barrières, pour apprendre à être des soldats de la foi, pour être en mesure de pouvoir s'exprimer, Seigneur, de ne pas avoir peur, de pouvoir te glorifier en tout temps, Seigneur, ensemble, individuellement, selon ce que tu as donné à chacun dans nos cœurs, avec nos dons, avec nos possibilités. Puis d'apprendre, Seigneur, encore plus à épouser ça, à comprendre ça, à accepter ça, Seigneur, puis à marcher, à grandir ensemble. Je te remercie pour notre frère qui nous donne cet enseignement, Seigneur, pour le don que tu lui as donné. Merci pour ce don-là que tu lui as donné, puis qu'il nous aide à comprendre, puis avec ta parole qu'on est capable de mettre en évidence pour continuer à se fortifier en toi, pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Comme tu es grand, Seigneur, tu nous rassembles encore entre frères et sœurs et de penser, Seigneur, au privilège, à la grâce que tu nous accordes de venir devant toi pour te prier. Toi, il n'y a pas de nom. T'en possèdes tellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais celui qui a créé toutes choses, on a le privilège de s'adresser à toi. Et Seigneur, on te prie que, comme on a vu en prenant le repas, Seigneur, que la seule chose qui existe entre nous et toi, qui a de l'importance dans nos vies, c'est la croix. Notre bon Père du ciel, nous t'en remercions pour ta bonté et ta patience. Nous te remercions de ta grâce, de ta compassion, de ta miséricorde envers ton peuple. Seigneur, ce que l'apôtre Paul nous parle dans Galates, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'Église. On veut plaire, et à cause qu'on veut plaire, on fait toutes sortes de compromis. Mais on ne veut pas faire de compromis avec toi surtout. On veut que ta croix soit notre seul sujet de gloire, de se glorifier qu'on est mort à cette croix avec Christ. Ça devrait être pour nous autres un sujet de joie. On est mort avec lui. Donc la mort n'a plus de force sur nous, n'a plus de pouvoir sur nous. Qu'on puisse trouver comme un sujet de gloire, de pouvoir dire qu'on a vaincu la mort en Jésus-Christ. C'est toute une vérité, Seigneur. Mm-hmm. Donc on te demande que tu puisses nous aider à vivre comme cela. Si, quand on veut plaire au détriment de la croix, au détriment de l'Évangile, on te prie que ton Esprit Saint qui est en nous nous le fasse voir, nous le fasse comprendre. Tu es en train de te glorifier de quelque chose d'autre. Et Seigneur, fais qu'on puisse se vanter, si je peux dire ça comme ça, se vanter d'être des croyants. Fait qu'on n'ait pas honte, qu'on soit pas gêné, qu'on se sente pas mal à l'aise. Je crois que ça fait partie de nos personnalités, mais peu importe la personnalité que l'on a, on aimerait parler avec fierté de ce que tu as fait pour nous, en Jésus-Christ. Seigneur, fait que chaque fois qu'on se rappelle ce que tu as fait pour nous, toi, que nos cœurs soient reconnaissants, que nos cœurs soient dans la joie, que nos cœurs soient remplis d'un désir de te servir parce que tu as donné ta vie pour cela, afin qu'on soit un peuple de serviteurs. Puisses-tu être béni dans la semaine qui vient, Seigneur. Aide-nous à continuer à bâtir notre relation avec toi et qu'on puisse développer une intimité avec toi de plus en plus grande, de plus en plus profonde, à travers les Écritures, à travers la prière. Et on veut te glorifier, Seigneur. Dans notre cœur, il y a ce désir de te glorifier. Je sais qu'il y a plein d'obstacles qui viennent dans la chair, mais dans notre cœur, on veut te glorifier. On veut t'élever. Dans notre intimité, dans notre maison, dans notre ville, on veut le faire, Seigneur. Mais on sait qu'on a besoin de ta grâce pour le faire. Au nom de Jésus, nous te prions.